Examen 3. Compréhension de l'oral. Exercice 3. Situation 0. On a de la chance, hein? Il fait un temps superbe pour faire du bateau. Ouais, t'as raison, c'est génial. Et cette mer bleue, calme.